Quand l'inconnu eut atteint le palier de l'escalier qui desservait le corps de logis situé sur la rue, elle regarda la porte cochère du coin de l'œil, sans se retourner positivement, et vit le baron cloué sur place par l'admiration, dévoré de désir et de curiosité. C'est comme une fleur que toutes les Parisiennes respirent avec plaisir en la trouvant sur leur passage. Certaines femmes, attachées à leurs devoirs, vertueuses et jolies, reviennent au logis assez maussades lorsqu'elles n'ont pas fait leur petit bouquet pendant la promenade. La jeune femme monta rapidement l'escalier. Bientôt, une fenêtre de l'appartement du deuxième étage s'ouvrit et la jeune femme s'y montra. Mais en compagnie d'un monsieur dont le crâne pelé, dont l'œil peu courroucé, révélait un mari. « Sont-elles fines et spirituelles, ces créatures-là ? » se dit le baron. « Elles m'indiquent ainsi sa demeure. C'est un peu trop vif, surtout dans ce quartier-ci. Prenons garde. » Le directeur leva la tête quand il fut monté dans le Milord, et alors la femme et le mari se retirèrent vivement, comme si la figure du baron eût produit sur eux l'effet mythologique de la tête de Méduse. « On dirait qu'ils me connaissent, » pensa le baron. « Alors, tout s'expliquerait. » En effet, quand la voiture eut remonté la chaussée de la rue du Musée, il se pencha pour revoir l'inconnu et il la trouva revenue à la fenêtre. Honteuse d'être prise à contempler la capote sous laquelle était son admirateur, la jeune femme se rejeta vivement en arrière. « Je saurai qui c'est par la chèvre, » se dit le baron.